l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission d'Autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une exposition de peinture et de photographie qui se tient depuis le 20 septembre et jusqu'au 20 décembre à Épinal. Alors Jean-Louis et Aurélien, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, oui, ça va. Oui. Alors, nous allons d'abord faire connaissance avec Aurélien, puis ça sera au tour de Jean-Louis. Alors Aurélien, vous êtes l'organisateur de cet événement, comment est-ce que vous est venue l'idée de faire ça? Alors, oui, je suis l'organisateur donc, de cette manifestation. Comment c'est venu? Tout simplement, on fait partie d'un groupe qui est nationalement connu, et même internationalement. On a eu certains magasins confrères qui ont développé des partenariats avec des artistes locaux. Qui ont mis des artistes en avant dans leur magasin de décoration et d'ameublement. Et ça nous a plu, le concept était pas mal, et j'ai dit pourquoi pas nous. Donc j'ai pris contact avec Jean-Louis, le photographe, qui m'a répondu très rapidement, qui était très heureux. Et j'ai pris ensuite contact avec Sabrina Viola, artiste peinte du secteur de Saulsure. Et pareil, très ravie et heureuse de partager leur passion avec nous. Donc on les a invités à exposer dans notre magasin à Épinal au Terre-Saint-Jean. Voilà. Alors justement, combien de temps il faut pour organiser un événement comme ça? Alors pour organiser, ça peut être très rapide. Il faut être réactif, réceptif. Et moi, ça a été très rapide. Un SMS, un message, et puis voilà, le tour est joué, quoi. C'est on va dire qu'en quelques semaines, c'était réglé. Alors, auprès de qui vous êtes adressé pour mettre tout ça en place? Auprès de personne. D'accord. C'est auprès de personne. Moi et ma collègue, on s'était mis dans l'idée d'organiser quelque chose, créer un événement, et puis des recherches. Internet, c'est bien fait. On pianote, on regarde un peu ce qui se fait autour de nous, et puis on prend des contacts. Voilà. Alors, c'est quoi le but de l'exposition, finalement? Le but de l'exposition, c'est déjà de montrer aux Vosgiens qu'il existe proche de chez eux des artistes qui sont plus ou moins connus, et de faire partager leur passion avec notre clientèle, de faire partager leur passion avec nos amis, famille et tout ça, et montrer que dans le secteur, il y a des gens qui font des choses vraiment bien. Est-ce que vous connaissiez Jean-Louis et Sabrina avant de les contacter? Alors pas du tout, on a pianoté un peu sur internet, voir un peu ce qu'il existait dans le secteur vosgien, qui pourrait correspondre à ce qu'on vendait. C'est-à-dire que nous on est on vend des meubles donc dans la zone des Terres Saint-Jean. Et d'une certaine typographie, et on a dit donc on a regardé, on s'est rapproché de Jean-Louis parce qu'il faisait il avait une vision de la photographie qui correspondait à ce qu'on recherchait, donc on a pris contact avec lui. Et Sabrina Viola pour son art assez expressif, assez lumineux, on a voulu mixer les deux. Et on s'est dit que pourquoi pas faire un mariage de la photo assez naturelle et du rendu assez coloré, si je peux dire, artistique de Sabrina. Est-ce qu'on pourrait mixer tout ça dans un magasin? C'était une mission un peu compliquée, mais il s'est avéré que ça a un rendu assez exceptionnel. Ça a été vraiment un coup de cœur, du coup? Oui, principalement une photo de Jean-Louis qui nous a plu fortement. Et on a dit, c'est lui qui doit venir dans notre magasin. Voilà. On parlait des meubles Gauthier dont vous êtes le gérant, c'est ça? On peut dire ça, je suis responsable du magasin. On est un magasin franchisé indépendant, donc on travaille pour nous et on a assez les mains libres pour organiser et faire ce qui nous plaît. C'est l'avantage de la franchise. C'est quoi justement les meubles Gauthier? Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Alors les meubles Gauthier, ça a été créé il y a un peu plus de 60 ans par une personne qui n'est plus là maintenant, c'est sûr, il y a 60 ans, voilà. Ils ont commencé par une fabrication de meubles d'enfants, c'est-à-dire chambre à coucher, lit, etc. Ils se sont développés, au fur et à mesure des années, ils ont agrandi leur capacité, donc c'est-à-dire fabrication de meubles de salle à manger, fabrication de chambres à coucher pour adultes, dressing, canapé. Il y a plusieurs partenariats aussi avec certaines sociétés. C'est un fabricant donc français. qui est, c'est une entreprise familiale aussi, c'est une entreprise qui passe de père en fils, on pourrait dire. Là, on est à la troisième génération, on aime bien l'idée d'entreprise familiale, on aime bien l'idée, voilà quoi. Donc, on peut dire qu'on a un magasin qui plaît à beaucoup de personnes, on a des meubles qui sont contemporains, donc indémodables, durables, voilà ce que je peux dire, un bon produit made in France. Est-ce qu'il y a du Made in Vosges aussi ? Alors, Made in Vosges, alors c'est très compliqué parce que c'est une enseigne qui est nationale. Déjà, avoir du Made in France, c'est déjà plus qu'exceptionnel. Mm-hmm. Made in Vosges, c'est compliqué. Grâce à Jean-Louis, on en a maintenant. Alors, elle se passe où l'exposition ? Alors, l'exposition, ça se passe dans le magasin. On a sacrifié quelques décorations qui nous est imposées par le groupe pour mettre en avant les photos et les tableaux, donc photos de Jean-Louis et tableaux de Sabrina. Donc on a mis un peu à l'écart les décorations qui nous sont un peu imposées par le groupe pour implanter des nouvelles vosgiennes. Comment elles sont exposées, les œuvres ? Alors les œuvres sont exposées, alors le mieux c'est de venir mm-hmm. voir, moins on en dit mieux c'est, et c'est exposé d'une façon à ce que les œuvres se marient parfaitement avec un ensemble de mobilier. On mixe des œuvres, des photos donc naturelles avec du mobilier qui est en accord parfait avec la photo ou avec les tableaux qui sont dans le magasin. C'est fixé au mur, tout simplement, comme si vous étiez chez vous, en fait. Mm-hmm. Vous rentrez dans le magasin, vous avez un meuble de salon, un meuble de salle à manger, comme si vous attachiez au mur des photos. Ben, nous, c'est pareil, sauf que c'est dans un magasin. L'entrée du magasin est gratuite, mais est-ce que l'expo, elle est payante ? Bien sûr que non, tout est gratuit. On ne peut pas se permettre de... Voilà, c'est pas le but recherché. Le but, c'est de faire connaître Jean-Louis, c'est de faire connaître Sabrina, et puis par la même occasion, voilà, on se le cache pas, c'est de nous faire un petit peu de publicité aussi, quoi. Mm-hmm. C'est du win-win. on prête une partie de nos murs et en échange, c'est un échange de bons principes. Avant de nous lancer dans une première pause musicale, je voulais dire quelques mots sur Sabrina. Sabrina Viola, c'est une artiste française vosgienne qui vient de Saulxures-sur-Moselotte, dont les peintures ont été exposées au niveau national et international, dont aux États-Unis, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Allemagne et à Monaco. Waouh ! Bravo ! Oui, oui. C'est... Bravo ! Oui, oui, on a visé haut. Et oui, elle est internationalement connue, réputée. Aussi. Elle est très occupée ces derniers temps, elle expose dans divers endroits et on a quand même la chance d'avoir entre 10 et 12 œuvres, je crois, au magasin qui est présente, il me semble. Et voilà, elle nous a laissé quand même un petit peu de temps et un petit peu de produits pour les exposer dans notre magasin. Et voilà, on regrette qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très engagé dans ce qu'elle fait. Alors pour elle, l'abstrait reste essentiel, ses compositions aux couleurs vives et intuitives respirent la joie. Sa pratique artistique consiste à travailler puis à retravailler les huiles jusqu'à obtenir l'essentiel. Ah oui, j'avais pas compris le jeu de mots, les huiles essentielles. Bien joué. Pas mal. Pas mal. Alors ça permet à ce qu'elle juge superflu de s'échapper. Elle crée en utilisant des encres et des huiles sur toile unique et sur mesure. Donc vous pouvez suivre son actualité et voir quelques-unes de ses œuvres via son site internet www.sabrinaviola.com ou via sa page Facebook et son compte Instagram Sabrina Peinture avec un S et Sabrina Artiste sans E. Nous allons nous lancer dans une première pause musicale avec un son que vous avez choisi et on se retrouvera juste après. À tout de suite sur Radio Gamozo. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. J't'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Quelques hommes qui se souviennent. Et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Octobre restera peut-être. Nous voici de retour avec Jean-Louis et Aurélien sur les ondes de RGM. Alors depuis quand vous êtes découvert une passion pour la photographie, Jean-Louis ? La photographie, ça fait... j'ai une passion de l'image depuis tout jeune. Donc, ma grande communion, mon parrain m'a offert un appareil photo. Donc après, c'était... je prenais un peu les photos de famille, etc., sans plus. Et à mes 40 ans, j'ai acheté un appareil photo Bridge. Bon, je n'ai pas pris de cours, mais bon, je faisais des photos de vacances, comme ça. Puis il y avait quelques photos qui sortaient du lot. Et il y a 5 ans, j'ai sauté le pas, j'ai acheté un appareil hybride semi-pro. Je voulais passer vraiment à autre chose et développer. Et ma femme m'a offert un stage photo avec un photographe professionnel de Plombières-les-Bains. Je lui fais coucou à Arnaud, je le remercie. On est devenus amis d'ailleurs, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et il m'a appris beaucoup de choses, il m'a ouvert beaucoup de portes en fait. Il m'a fait travailler le travail du regard, le cadrage, la composition, l'exposition, la lumière, l'angle. En fait, ça m'a ouvert beaucoup de portes en fait. Je suis déjà une personne qui est assez ouvert, qui a un regard sur le monde. Je regarde beaucoup autour de moi, j'observe. Et c'est vrai que là, il m'a ouvert le travail du regard. Le premier stage avec lui, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit c'est fou. Ça m'a ouvert des choses et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et puis après, voilà, ça s'est travaillé. Et puis, plus tard, après, il y a quelques photos qui sortent du lot. Et il m'a dit, tiens, pourquoi tu les imprimes ? Je peux te les imprimer sur du beau papier. Pourquoi tu ne vendrais pas pour Noël quelques tirages ? Et puis, on rentre un peu dans le jeu là. Et puis après, c'est les expos. Et puis après, des magnifiques rencontres avec Aurélien, Sabrina, au magasin Gautier. Est-ce que vous vous rappelez de votre toute première photo ? Toute première photo, oui, parce que j'ai toutes mes photos depuis le début dans les archives. C'était à l'étang de la demoiselle à Armiremont, c'est le premier stage avec Arnaud. Et puis, il me dit, tiens, il y a le chemin là-bas avec l'arbre, prends la photo et puis on regarde. Je prends l'image et puis il me dit, on va travailler, on va corriger certaines choses. C'était la première, oui. Toute première, et puis après voilà, ça a évolué, et puis on voit l'évolution dans les années, après avec le temps on voit l'évolution, donc c'est vrai que c'est fou quoi, c'est une grande passion, ouais. Ça me prend, à côté de mon travail de papetier, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est, C'est une grande et belle passion. Qu'est-ce que vous prenez en photo ? Alors moi, je fais beaucoup de reflets, aussi bien dans l'espace naturel que l'espace urbain. J'aime bien le principe du reflet pour montrer quelque chose un peu différent. Ça peut même des fois être un peu entre la limite de la peinture. Ce que j'aime bien aussi pour les gens, c'est de faire marcher un peu l'imaginaire, qu'il y ait une réflexion sur l'image, parce que l'image, elle a une âme, une sensibilité. Donc il faut apporter quelque chose à la personne qui va regarder. Il y a une lecture d'image. Et puis suivant aussi la sensibilité et le regard de la personne, elle va apprécier ou pas, mais on peut l'embarquer dans quelque chose, dans une beauté, dans un voyage, rêver, etc. Mais il faut que ça apporte quelque chose. Et je pense qu'aussi un photographe, c'est transmettre une émotion, on transmet quelque chose. Quand on est à l'instant T sur le lieu où on prend l'image, il y a quelque chose. Il y a des images qu'on va prendre, bon, c'est bien. Et il y a certaines photos, d'un coup on voit, on se dit ça, il y a quelque chose. Et déjà rien que derrière le viseur, il y a une émotion, il y a quelque chose. Et je pense que c'est bien de pouvoir retransmettre ça à la personne qui va regarder notre image. C'est important. Alors est-ce que comme moi, vous pensez qu'un cliché, c'est un moment suspendu dans le temps ? Ah ben c'est un moment suspendu, puis c'est un... Parce que la photo, c'est un moment à l'instant T, donc après on fiche quelque chose, oui, puis qui va rester dans le temps. On le voit bien avec toute la culture photographique, les anciens photographes, tous les grands photographes, oui, ça reste dans le temps, c'est figé dans le temps. Et ça me permet aussi de montrer des choses aux gens. C'est vrai, ça me permet de montrer la nature, ce qui se passe aussi bien dans le monde, ça peut montrer beaucoup de choses. Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de prendre des photos dans pleine nature, ou de la nature elle-même du coup ? Ben moi, je suis assez proche de la nature, et puis la nature, je me ressource dans la nature, et la nature, c'est important. Il faut remettre aussi en place le fait qu'on vient de la nature, et on doit faire qu'un avec la nature. Et le but, c'est d'être de la nature, c'est d'être faire qu'un avec la nature, se ressourcer, et puis montrer la beauté de la nature telle qu'elle est. Et un peu différemment, c'est pour ça que peut-être que ça a plu aussi à Aurélien et Émilie, parce que c'est de montrer un petit peu la nature, mais différemment, avec un autre regard. Puis aussi, quand je prends d'autres photos hors nature, sur le monde qui nous entoure, c'est montrer un autre regard par rapport à ma sensibilité. Voilà, d'être des choses différentes. Quelle est la photo dont vous êtes le plus fier et pourquoi ? Quelle question ? C'est la question piège du jour. Je pourrais dire le Colorado provençal, les couleurs ocre, l'arbre là qui est seul suspendu, là, qui a vraiment bien plu à Aurélien. Et c'est une image ouais, qui est... Je l'ai même à la maison, elle est accrochée à la maison. Ouais, celle-là où il y a quelque chose, oui. Des couleurs ocre, le ciel bleu, cet arbre-là tout seul, suspendu avec son ombre. Je trouve que c'est vraiment joli, très joli. Vous utilisez quoi comme appareil ? Alors moi, j'ai un appareil hybride semi-pro Panasonic, avec vidéo 4K, donc très bien. Moi, je trouve que c'est très bien pour redémarrer et tout. Moi, j'ai acheté pour démarrer, puis c'est très bien. Les fonctions sont bien pour moi. Je conseille. Le but, des fois, c'est pas d'acheter des appareils photo hors de prix. C'est le regard du photographe qui fait la photo. Donc, c'est pas le matériel. Non, c'est un regard. Le matériel, ça aide, bien sûr, hein, qu'on est vraiment professionnel et que c'est un métier à part entière. Oui, il faut du matériel. C'est normal. Mais je pense que au départ, on achète un appareil qui correspond à ce qu'on veut faire. Et puis, c'est le regard du photographe qui fait... la belle image. Et puis être là au bon moment, et puis c'est vrai qu'un photographe, c'est toujours l'appareil photo en bandoulière avec soi, pour être prêt à saisir l'instant. Et je me suis même mis à acheter un Polaroid, donc je fais des photos Polaroid lors de mes balades, et les gens aiment bien, parce que ça leur rappelle un peu les souvenirs, l'instantané du Pola, unique aussi. Donc je les mets dans des petits cadres noirs, là, sous verre, et puis les gens aiment bien. Ça, en exposition, les gens aiment bien, ça sort bien. C'est un beau rendu. Et derrière ça, j'ai des cadres aussi bois vert avec des photos nature que je mets recto verso. Donc les gens peuvent retourner le cadre selon leurs envies. Puis ça permet de mettre une petite série, un petit diptyque dans les cadres. Donc c'est assez sympa, c'est original. Il faut trouver aussi, je pense, dans la photo, parce qu'on a tellement de choses qui circulent dans la photographie, de l'originalité. Et les Polaroid, c'est les appareils photo où vous prenez en photo et ça sort instantanément de l'appareil, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est vrai que des fois je prends des photos, les gens me regardent, à coup ils voient la photo sortir de l'appareil, j'ai l'impression d'être un homme préhistorique, mais, mais non. Donc c'est... Puis ça permet aussi un travail, parce qu'il y a l'argentique qui était avant le numérique, ça permet de, comme dans l'argentique, de prendre le temps. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder, d'observer la lumière, la composition, prendre l'image et on se dit, si on rate, c'est raté, c'est comme l'argentique. Donc on ne peut pas prendre comme ça à la volée, comme le numérique, et puis contrôler après Donc c'est ça, c'est cet instant T, et puis de prendre le temps d'observer et de regarder, ce qui est important. Après, chaque appareil a ses inconvénients et ses avantages, parce que le numérique, justement, on peut retoucher. C'est par exemple parce qu'avant, on avait les appareils photo jetables, où des fois, on avait... Il y a un beau souvenir avec la photo, mais il y a le pouce. Oui, c'est ça. Qui bah, le... sur la photo. C'est ça, oui. C'est ça. Bah, oui, l'argentique et tout. C'est vrai qu'on voyait qu'au résultat final. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que c'est pour les gens qui prenaient des photos comme ça, pour la beauté ou pour les photos de famille ou de vacances, c'est vrai que des fois, il y avait des mauvaises surprises. Mais pour un photographe amateur ou professionnel, hein, il faut mettre aussi le doigt sur l'amateur, parce que moi, je suis je suis une micro-entreprise, mais je suis entre amateur et professionnel. Donc, même le photographe amateur, c'est de prendre le temps de regarder, d'observer, de voir après. Et puis aussi, l'argentique, c'est quand on va jusqu'au bout du processus, c'est de développer sa pellicule en laboratoire. Mm-hmm. On développe son tirage, on voit le résultat vraiment final à la fin. Donc, c'est vraiment de faire la photo de A à Z. Et ça, c'est beau. Prendre l'image, aller jusqu'au bout du processus, et l'argentique, c'était bien pour ça. Et on voit bien les photographes qui sont passés par l'argentique. Avant le numérique, c'est pas du tout pareil. Ils ont le regard, comment ils travaillent. Ils n'ont pas besoin de prendre 4-5 photos pour avoir une belle photo. Au bout de la première ou de la deuxième, la photo est belle. Parce qu'ils ont cet esprit et cette technique de l'argentique. Alors avec mes frères, on avait acheté un appareil photo jetable à mon beau-père. Mais après, les téléphones portables sont arrivés avec les techniques photo beaucoup plus élevées que les appareils photo numériques. Mais vous disiez d'ailleurs que tout à l'heure que ce n'était pas l'appareil qui comptait, mais c'était l'œil du photographe. Est-ce que vous pensez qu'avec un téléphone portable, on peut prendre une belle photo? Oui, on peut. Les appareils, comment je pourrais dire, les téléphones mobiles sont bien évolués. Hein. Ils essayent quand même maintenant d'être proches de l'appareil photo, donc ça peut permettre, c'est vrai, pour les gens d'avoir le mobile dans la poche, de pouvoir prendre des clichés rapidement, parce que c'est sûr que l'appareil photo, on part en balade ou en vacances avec, ça peut être encombrant. Mais après, voilà, c'est un état d'esprit aussi, c'est différent, ça dépend ce qu'on recherche. Mais oui, c'est vrai que les téléphones mobiles se sont bien évolués et les photos sont belles, c'est sûr. Mais après, j'ai un téléphone mobile, c'est sûr, mais... Ça me permet, si je vois quelque chose et je n'ai pas l'appareil photo avec moi, de faire un cliché pour pas perdre cet instant-là. Mais ce qui est dommage pour moi, parce que je suis photographe, c'est qu'on n'a pas la main par rapport à... C'est l'appareil, le mobile, il fait tout. Que l'appareil photo, c'est nous qui apprenons la technique et qui maîtrisons l'appareil. Mm-hmm. Et qui réglons. Enfin, on règle nos paramétrages et qu'on a un mobile, on n'a pas la main. Mais c'est vrai qu'il y a des belles choses qui sont faites en mobile. Mais ce qui est dommage après, c'est que sur les réseaux, tout ça, les gens sont saturés d'images, il y a trop d'images. Mm-hmm. Pour moi, c'est beaucoup trop d'images. Et après, les gens sont saturés, les gens ne prennent plus le temps d'en regarder. Mm-hmm. Ils font défiler, ils likent vite fait. C'est dommage parce qu'il y a des choses qui sont belles, on ne les voit pas forcément, c'est noyé. Donc c'est pour ça que maintenant, pour un photographe, il faut avoir un style et puis un peu sortir du lot. Un peu quelque chose qui soit original, quelque chose de différent, ou développer des techniques d'avant et les améliorer pour apporter quelque chose. C'est pour ça que quand j'ai des reflets qui vont vers la peinture ou les polaroïdes, des instantanés à l'instant T, ou même quand je fais de l'architecture ou des ombres, de l'abstrait, des lignes, etc. Donc c'est pour montrer d'autres choses et développer autre chose. Après, je trouve que c'est vrai, les téléphones font des belles photos, mais bien souvent, moi je suis moins touchée par une photo d'un téléphone portable qu'une photo prise avec un appareil professionnel. Ah bah c'est sûr, non, ça n'a rien à voir. Moi, je vois la différence sur les réseaux. Je vois la différence d'une photo prise comme ça, rapidement au portable, et puis un appareil photo, bien sûr, ça n'a rien à voir. Et moi, je préfère la photo d'un appareil photo, bien sûr. Et bien souvent, quand je vois les photos de téléphone portable, ce n'est pas vraiment le rendu qu'on a quand on regarde, nous, la photo comme ça. Enfin, qu'on regarde, nous, par exemple, une fleur qu'on trouve belle, on veut la prendre en photo, mais quand on regarde sur le portable, ça ne rend pas pareil, je trouve. Ah bah c'est sûr, il faut pas comparer parce que le capteur d'un appareil photo, c'est pas du tout le même qu'un mobile. Un mobile, un capteur, ça va faire 5 mm sur 5 mm et puis sur un appareil photo, ça peut prendre 5, 6 cm. Donc ça, c'est pas du tout le même rendu, la même définition. Et c'est vrai que des fois, on est surpris à la prise de vue, oui, bien sûr. Alors à quel moment de la journée vous préférez prendre vos photos? Bon, on dit toujours, de toute façon, le mieux, c'est le matin ou le soir parce qu'on a les lumières avec... lever du soleil, coucher du soleil, donc on a des belles lumières qui arrivent et tout, ça traverse, je vois dans la nature, il y a des rayons de soleil qui traversent la forêt, c'est super joli. Mais après, ça peut être aussi dans la journée, hein. on se remène dans... Moi, quand je fais mes balades dans Épinal, aux alentours d'Épinal, dans la forêt, ça peut être dans la journée. on a des choses quand même. Après, il faut éviter le temps de midi, bien sûr, tout ce qui est vraiment à partir de 11h jusqu'à 16h. C'est vrai que quand c'est l'été, le soleil au zénith, la lumière est trop forte, on ne peut rien faire. Donc c'est vrai que le mieux, c'est le matin et le fin d'après-midi et le soir. Et c'est vrai que là, l'avantage, en plus dans cette belle saison d'automne avec des couleurs magnifiques, c'est qu'on a le coucher de soleil qui est plus tôt. Donc ça nous permet de faire des belles choses pas trop tard, de ne pas attendre comme l'été 22h30, 23h pour faire des images. Et justement, c'est quoi votre saison préférée quand vous prenez une photo ? Alors j'aime bien le printemps parce que tout se réveille, là, les couleurs et tout, et l'automne parce que les couleurs sont magnifiques. Jaune, orange, rouge, et puis c'est un peu avant l'hiver, donc c'est un peu la nature qui se met en pause et qui nous met des magnifiques couleurs. On a vraiment des belles choses. Et l'hiver aussi, hein, dans les Hauts-de-Vosges, on a des choses magnifiques, hein, en hiver, c'est superbe. Mais c'est vrai que l'automne et le printemps, ouais, c'est des saisons que j'aime bien. Alors, est-ce que vous prenez une photo, est-ce que vous voulez que la personne qui regarde à travers vos yeux ou quelle est sa propre perception de l'image ? Ah bah, il faut que la personne... moi, je veux faire passer quelque chose, mais après, il faut que la personne... Chaque regard et la sensibilité est différente. Donc, la personne, moi, par rapport à elle, oui. Ce que ça lui apporte, ce que ça lui montre, ce que ça peut lui rappeler, si ça peut la faire voyager, la faire rêver ou rappeler des souvenirs ou la beauté de la chose, oui. Je pense que c'est de toute façon, chacun en est différent, donc notre regard, notre sensibilité, on aime ou on n'aime pas. Et voilà, puis il y a des gens, bah, ils aiment bien, ils se retrouvent. Oui, je pense que c'est chez chacun. Moi, j'apporte quelque chose avec ma technique, mon regard, ma sensibilité, et derrière, eh ben, c'est l'interprétation de la personne qui regardera l'image. J'ai trouvé une citation d'Eliot Hewitt sur Internet qui dit « La couleur est descriptive et le noir et blanc est interprétatif ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Ah ben, on voit beaucoup, en fait, le noir et blanc qui revient beaucoup. C'était par rapport à l'époque argentique. Et c'est vrai que le noir et blanc, ça a une force, ça a un rendu. On a vraiment des contrastes des noirs et blancs. Beaucoup de photographes y reviennent et ça met une force à l'image. Qu'on veut montrer un sujet ou quelque chose, ça donne une force. Mais la couleur, oui, la couleur, c'est magnifique, la couleur. Il y a tellement de choses à montrer en couleur. Un lever du soleil, coucher de soleil, les couleurs d'automne, par exemple. Oui, en couleur, il faut de la couleur. Mais le noir et blanc, c'est différent, c'est encore une autre vision. Noir et blanc, ça donne une force à l'image. J'ai trouvé une autre citation de John Stuart Mill, cette fois-ci. Il dit « La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard ». Ah bah oui, parce que de toute façon, on ne peut pas programmer et dire « je vais sortir à telle heure, il me faut que j'ai le ciel comme ça, le soleil comme ça, la lumière comme ça, la composition comme ça ». Non, c'est au fil des sorties, des moments. Il y a du hasard, oui. Après, il y a des choses qu'on prévoit, bien sûr, qu'on va faire un lever et coucher de soleil. On sait à quelle heure il y a le lever, l'or bleu. L'or bleu qui est magnifique parce que c'est recherché par beaucoup de photographes. L'or bleu, c'est extraordinaire. Donc lui, on va programmer, là on se dit, bon, bah, aller à tel endroit, telle heure, je pose mon matériel, j'attends le lever du soleil, là je fais des beaux clichés, mais après quand on se balade au fil de nos sorties, y a du hasard, oui. C'est sûr, il y a du hasard. Il y a le regard, bien sûr, il y a des choses qu'on voit tout de suite. Et puis il y a le hasard, parce que c'est vrai que moi j'ai des fois fait de la photo de rue, bah, la photo de rue c'est du hasard. Ça dépend de ce qui va se passer devant nous à l'instant T. Combien de temps est-ce qu'il vous faut en moyenne pour prendre une photo ou pour avoir la photo que vous voulez faire, en fait ? Moi, je ne parle pas de temps parce que, en fait, moi, quand je prends mon appareil photo, je suis un peu dans une bulle, en fait. Je suis dans un monde. Le temps, je le mets de côté, en fait. Je suis dans autre chose, dans un autre monde. Et après, bah, quand on trouve une belle image, et bah, après, il y a le post-traitement à la maison. Mais après, post-traitement, je pense qu'il faut... aussi là-dessus, parce qu'il y en a qui abusent beaucoup. Abusent, non. Je ne vais pas me mettre à dos les photographes non plus. des fois, il y a beaucoup de... trop de post-traitement sur des images, et c'est dommage. Donc déjà, la prise de vue, faut pas être la photo parfaite, mais il faut déjà être au plus proche de ce qu'on veut montrer. Après, en post-traitement, bah, c'est sûr, on va recadrer la luminosité du contraste, on va enlever quelques petites choses qui nous embêtent. Mais il faut que ça reste... Donc il y a cette partie-là, puis après il y a le tirage derrière, quand c'est des photos qu'on veut exposer, donc tirage bien entendu avec des beaux papiers. Moi je travaille dans le papier, donc c'est important. Mm-hmm. Le papier c'est un art aussi, il faut déjà un beau papier, un beau cadre, il faut mettre tout en valeur, parce que si la photo est belle, c'est un tout, on ne peut pas la mettre tirer sur un papier bas de gamme avec un cadre bas de gamme, il faut quelque chose qui... C'est un ensemble, c'est un tout. Est-ce qu'il faut une chambre noire ? J'ai pas trop compris comment ça fonctionne en fait. Bah, la chambre noire, en fait, c'est pour le développement. Ceux qui ont des labos, c'est pour des développements argentiques. Comme on voit des fois dans les films, ils ont leur chambre noire pour développer les images à l'abri de la lumière. Donc là, c'est un autre procédé. Alors, vous parliez d'or bleu, c'est quoi ? Eh ben, en fait, le matin, vous avez au tout début, avant le lever du soleil, vous avez l'or bleu, ça peut durer 20-25 minutes. Et là, vous avez le ciel qui est bleu azur. Et les photographes recherchent beaucoup cette lumière-là parce que les photos sont magnifiques, ça donne un rendu extraordinaire. Donc le matin, vous avez l'or bleu au départ, après vous avez le lever du soleil dans la foulée, et après le soleil doré, donc le soleil qui illumine. Et le soir, c'est complètement l'inverse. Le soir, vous avez donc le soleil doré, vous avez le coucher de soleil, et après vous avez 20 minutes d'or bleu. Mmh. Là, c'est pareil, c'est magnifique là, parce que... Vous êtes sur trépied, vous avez un temps de pause, c'est une technique, hein, c'est une pause plus longue, et puis là vous avez des couleurs qui sont extraordinaires. L'or bleu, c'est beaucoup recherché par les photographes. Moi, ce que j'adore, c'est les arcs-en-ciel. Est-ce que vous arrivez à en prendre ? Parce que ça a l'air très très compliqué. Oui, bah, c'est là que le hasard est là, il faut tomber aussi au bon moment. Et, j'en ai déjà fait quelques-uns, oui, c'est joli, c'est un bon rendu. C'est sûr que l'arc-en-ciel, c'est toujours magique. C'est des couleurs, puis même dans l'esprit, ça a toujours été quelque chose de magique, l'arc-en-ciel... Dès qu'on voit un arc-en-ciel, on est toujours ébloui. Et ce qui me fascine aussi, c'est les ciels orageux. Et ça fait vraiment... Il y a plusieurs dégradés, je trouve, de gris. Ah oui, les orages, oui, magnifiques aussi. Ça, c'est aussi une prise de vue. J'ai réussi à faire quelques orages. Oui, c'est vraiment joli, oui. Parce qu'on voit l'orage se former, les gros nuages, les teintes. Et puis après qu'on arrive à avoir la foudre ou des éclairs, là, c'est magnifique. Là, ça aussi, c'est une technique et c'est un bon rendu, c'est très beau. C'est vrai que là, on a des teintes, on a des choses vraiment extraordinaires. Et puis, ça peut aller dans le rouge feu, ça peut aller dans des noirs assez intenses, les gris aussi. Hein. Puis, ça illumine le ciel, ça illumine la nature. Oui, c'est vraiment beau. C'est une technique aussi. Il y a des photographes qui font que de la photographie d'orage. Et ça doit être un peu compliqué, parce qu'il faut bien se placer, parce qu'on ne peut pas se placer n'importe où. Quand il y a de l'orage, c'est dangereux quand même. Ah ben oui, il faut être... bien sûr, il faut faire attention, bien sûr, pas en dessous des lignes électriques. oui, il faut être prudent, il faut être très prudent. Il y a des règles à respecter, et puis après, il faut suivre l'orage, parce que l'orage se déplace. Donc, mm-hmm. faut suivre l'orage, et puis il y a des applis pour ça sur les téléphones. Hein. On peut suivre la météo et l'orage, donc oui, suivre... puis être en sécurité, oui, il faut être prudent, parce que dès que la foudre s'approche de vous, ça peut être dangereux, donc vous rangez le matériel vite dans la voiture et vous vous sauvez. Courez vite. C'est ça. Non, il faut être prudent, mais c'est vrai qu'il y a des photos d'orage, c'est magnifique, c'est comme en Amérique, là, ceux qui prennent des photos de tornades et tout, c'est sûr qu'il y a il y a aussi cette adrénaline là aussi, il y a le danger, mmh. il y a l'adrénaline d'aller des fois au maximum, mais il faut savoir aussi prendre du recul. Est-ce qu'on prend la photo ? Est-ce que je vais me faire aspirer ou pas ? Voilà, non, mais c'est pas Twister, hein. Heureusement. C'est Hollywood, là, c'est différent. J'ai trop regardé de films américains de catastrophe, je crois. Je pense. Alors, nous allons faire deux pauses musicales avant de parler plus en détail de l'exposition. Et on se retrouvera juste après avoir écouté Feu Chatterton et Cocoon sur Radio Gemozo. Sur mon écran tactile, que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré, adieu vieux monde adoré, une image oubliée sur un bout de papier, un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide mais je ne sais ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, ni qui ni pourquoi, bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. moi, que reste-t-il? Que reste-t-il? La petite fille téléguide, un vol des tourneaux, ça te plaît? Assoiffé de cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il? Flowers and the end you got. what you were. Always running after, always running after. And the worst days that life brings, all the bad movies and all the earthquakes, all the worst days are just buried into the snow. And the worst days that life brings, all the bad movies and all the earthquakes, all the worst days are just buried into the snow. Just buried into the snow. All the worst days are just buried into the snow. All the worst days are just buried into the snow. Voilà, avec Aurélien et Jean-Louis sur les ondes de RGM 107FM et par les applications mobiles Orange Radio et Radio Line, nous pouvons vous accompagner partout via la plateforme Deezer. Alors Jean-Louis, quels sont les genres de photos qui sont exposées chez Gauthier ? Alors, c'est beaucoup de nature. Donc la nature, il y a des brumes. Dans la nature, les brumes au lever du jour. Il y a le Colorado provençal, c'est un stage que j'ai fait en Provence il y a quelques années. J'avais vu des documentaires sur le Colorado provençal et j'ai adoré ces couleurs, la vive couleur ocre avec plein de teintes différentes, et c'est un rendu qui est magnifique, et aussi des reflets. Et aussi, il y a aussi une partie qui est sur plaque d'aluminium, c'est une série Épinal Autrement. En fait, j'ai voulu faire une série avec un autre regard sur Épinal. Ça s'appelle Épinal Autrement. Et puis il y a aussi quelques photos que j'ai prises sur Fontenoy-le-Château. C'est des photos un petit peu de patrimoine pour mettre un peu en valeur des communes qui sont des belles communes, qui sont magnifiques à voir. Et puis il y a quelques-unes, c'est sur des illuminations de Noël, d'Épinal. J'avais fait une pose longue et puis j'avais un rendu qui était assez beau avec les personnes qui étaient présentes, qui faisaient des ombres. Alors j'appelais ça ombre et lumière. Voilà, donc c'est un peu tout mon travail sur 5 ans. Voilà, un peu tous mes styles. Ça a bien plu et... C'est génial. Est-ce que c'est la première fois que vous exposez vos œuvres au grand public ? Non, c'est pas la première fois. Donc j'ai eu cette année, j'ai exposé au Centre culturel d'Épinal 15 jours en avril. Mmh. Après, j'ai fait je fais des expos aussi parce que je fais partie du club photo Noir et Couleur d'Épinal. Donc on fait 2 expos par an, en novembre et en avril. La prochaine va bientôt arriver. Donc ce qui est bien aussi de ce côté-là, c'est on a un thème. Alors ça nous permet de travailler sur ce thème, donc ça nous permet de travailler sur nos archives ou de prendre des photos en rapport avec le thème, donc c'est bien. Ça nous fait travailler. Et oui, j'ai exposé là, j'ai exposé à Léo Lagrange, à Épinal, à Fontenoy-le-Château aussi, parce que j'ai été cofondateur d'une galerie d'art à Fontenoy-le-Château, avec mon ami photographe qui m'a appris la photo. Et c'était le but, c'était d'amener la culture et l'art dans les petits villages. Parce que je pense que la culture et l'art, ça doit être ouvert à tous, voilà, et gratuitement et à tous. Et pour revenir sur, c'est tout mon travail chez Meubles Gauthier de 5 ans, mm-hmm. tous mes styles, tous mes travaux, donc voilà, c'est un peu une biographie photographique, on va dire ça comme ça. Aurélien et Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Sabrina ? Eh bien, oui, je vais essayer de parler en son nom, c'est une personne très simple. Physiquement et très, très extravagante dans ses œuvres. Je pense que ça résume bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Le mieux serait de la rencontrer. Je peux pas trop parler, si, à part que... Bah, c'est vrai que ça... Moi qui aime la peinture, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration sur la peinture pour la photographie. Je visite beaucoup de musées, et c'est vrai que la peinture apporte beaucoup, parce que déjà, eux, ils travaillaient... la composition, le cadrage, l'exposition, la lumière, les ombres. Et ça apporte pour le regard du photographe. Et après, il y a eu le surréalisme, l'abstrait. Et Sabrina est dans le surréalisme et l'abstrait. Et c'est magnifique, elle arrive à sortir ça, mais c'est aussi, comme elle disait dans sa bio, c'est par rapport à son ressenti, son émotion. Et c'est vraiment un bon rendu, et c'est une personne simple, gentille, accueillante, on l'aborde facilement, on discute bien, et ouais, son travail est magnifique, c'est vraiment un très beau rendu, ça à voir. C'est vrai que c'est dommage qu'elle soit pas parmi nous, parce que elle a aussi un très beau regard, et puis sur la peinture, et puis sur l'art en général. Aurélien, vous nous disiez hors antenne que Sabrina était un peu, quand elle regardait une œuvre, c'est un peu une artiste qui se dédouble quand elle regarde quelque chose. Oui, alors là, oui, c'est tout à fait ça. Quand on a mis en place l'exposition, donc ça remonte au 20 septembre, je crois, vers le 20 septembre, on avait ouvert le magasin donc un peu plus tôt, spécialement pour Jean, lui et Sabrina, et on voyait quand elle mettait ses tableaux après les murs ou sur chevalet dans le magasin, on avait l'impression qu'elle, que son regard changeait, que sa façon d'être changeait du tout au tout. Elle avait les yeux pétillants, elle plaçait ses tableaux, elle était vraiment au millimètre près. Et c'était du tac au tac. Alors elle avait un peu préparé, on avait un peu préparé en amont les tableaux qu'on allait mettre à tel ou tel endroit dans le magasin, comme les photos d'ailleurs avec Jean-Louis. Et donc elle savait déjà un peu ce qu'elle allait exposer et à quel endroit. Et on voyait que, enfin pour elle, c'est vraiment, il faut que ce soit parfait, au millimètre près. On a l'impression, mais ça se fait très naturellement. C'est assez impressionnant à regarder, enfin moi d'un œil extérieur, ouais, j'étais plus là pour mettre des clous après les murs pour qu'ils puissent mettre leurs tableaux ou leurs photos, et ma collègue Émilie donc était plus, plus dans la décoration d'intérieur, et donc qui a l'habitude de placer des tableaux ou des sculptures ou des vases, des lampes, voilà, elle a plus l'âme décoratrice que moi, et moi, quand je l'ai regardé, je l'ai regardé faire, c'était assez impressionnant, quoi. Enfin, ce qui pour moi pouvait prendre, je sais pas, 2-3 secondes, ça pouvait prendre 5-10 minutes, et on décale de 3 mm, de 5. Enfin, c'est très pointilleux, mais c'est vrai que le rendu est exceptionnel. Enfin, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est quoi le thème de l'expo ? Alors, le thème de l'expo, on peut dire qu'il n'y a pas de thème. Le thème, c'est il faut trouver un bon arrangement, des bons liens entre photos, tableaux, meubles, tapisserie, peinture, la couleur des sols, la couleur du plafond. Enfin, avec tout ça, on a réussi à faire on a mis tout ça dans un sac, on a tout mélangé, on a tout ressorti et on a pris ce qui nous plaisait. En gros, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ça matche. C'est assez exceptionnel. Quand on rentre dans le magasin, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des tableaux d'exposés, on ne se rend pas compte qu'il y a des photos d'exposés. Ça paraît assez bizarre. Pourtant, on a, comme je vous disais, il y a une bonne dizaine d'œuvres de Sabrina. Il y a, je dirais, une trentaine, voire un peu plus de photos, mais ça se fond dans le décor. On a des parties du magasin qui sont assez thématiques, c'est-à-dire on a du mobilier qui est très naturel, sur des couleurs un peu automnales, donc des verts forêts, des ocres, des pastels, des choses comme ça, et on a marié des photos de Jean-Louis qui sont un peu dans le même style, donc les photos sont discrètes, mais on les voit. Tout comme les tableaux de Sabrina, c'est très marqué, c'est très coloré, c'est très voilà, c'est très abstrait. Et avec du mobilier qui est contemporain, on a trouvé l'alliance parfaite entre voilà, l'abstrait et des meubles dans lesquels toute personne pourrait avoir chez eux, quoi. Donc là, on arrive à prouver que même l'abstrait se marie parfaitement avec des choses de tous les jours, tout simplement. Est-ce que vous avez eu des retours de l'exposition depuis le 20 septembre ? Alors, on a quand même nos clients habituels et puis des nouveaux clients au magasin. On va dire qu'une grande partie de nos clients se posent des questions. Ils regardent, ils s'interrogent. On est là pour leur expliquer, mais pas trop. Je veux dire, c'est pas trop notre but premier de parler au nom des artistes. Voilà, on explique juste qu'on est là en partenariat. On a fait un petit partenariat avec des artistes locaux et on laisse un peu nos clients, on va dire, voyager, voilà, en regardant, en s'intéressant, en se documentant, Voilà, c'est alors c'est assez, enfin ça fait assez un peu bizarre. Des personnes sont là pour par curiosité ou par voilà, ils s'y intéressent sans pour autant. Je sais pas comment on pourrait dire. C'est assez spécial. Ils arrivent, ils regardent, ils s'interrogent, ils nous posent des questions. Voilà, c'est mais c'est un ressenti qui est, je trouve pas trop mes mots. Je sais pas comment je pourrais dire. C'est genre lui, tu peux pas m'aider. Toi qui as un œil un peu extérieur. Je sais pas, il se dans les expos, j'ai pas trop l'habitude d'y aller. C'est pas trop ma tasse de thé, comme dirait l'autre. Mais bon, c'est puis j'ai pas trop le temps surtout. Et les gens doivent peuvent rester 4, 5, 6, 7, 10 minutes devant un tableau ou devant une photo. Et ils sont dans leurs pensées, ils s'interrogent, ils regardent. Alors après, ils nous posent des questions, on ne peut pas répondre à tout. Hein. Il y a des photos qui sont prises à tel ou tel endroit, nous, on ne connaît pas tout par cœur. Et voilà, mais ça marque. Nos clients sont marqués par, par les visuels, quoi. On va dire ça comme c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est comme tu disais, c'est bien dit, voyager. Les gens arrivent, ils voyagent, et puis c'est vrai que les photos, les tableaux sont discrets, s'intègrent dans le... avec le mobilier Gautier, et voilà, les gens arrivent, et ben ils regardent, ils se posent des questions, ils voyagent. Oui, c'est le but. Et Oui, je pense que dans les expos, c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est nous, on n'a pas trop l'habitude parce que voilà, on est commerçant à la base. On a mis le pied dans l'exposition. C'est une grande première aussi pour nous, donc on y va à tâtons, on sait pas trop comment réagir face aux réactions des gens, donc et puis on veut pas s'immiscer, quoi. Je veux dire, l'artiste, il a sa façon de faire et sa façon de dire, sa façon d'expliquer, et nous voilà, on est un peu plus sur la réserve, quoi. On essaye on peut pas trop en dire, voilà. On n'est pas spécialiste des arts. Oui, c'est vrai que comme il disait pour l'accroche des tableaux et des peintures, des photos, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est important, la mise en place. Et nous, dans notre tête, on doit voir déjà à l'avance, et puis tout doit être vraiment millimétré. Il faut qu'il y ait un rendu par rapport à la série qu'on présente. C'est ce qu'on fait vraiment en exposition. On peut des fois être 2-3 heures à installer nos œuvres parce qu'il faut que ça soit cohérent dans la série qu'on veut montrer, dans la position, la hauteur pour le regard. Donc oui, c'est important, et c'est vrai que nous, qu'on voit après le final, c'est vrai qu'on a des étoiles dans les yeux parce que c'est vraiment beau, quoi. C'est un tout de toute manière, et c'est vrai que Aurélien l'a bien résumé, c'est un tout avec le mobilier, la déco du magasin, la peinture, la photo, ouais, c'est un tout. Et c'est vrai que les personnes, moi j'ai des retours d'amis et des membres du club photo qui sont allés voir juste l'expo, et c'est vrai que c'est bien que les gens rentrent et peuvent aller juste regarder l'exposition. Et puis après ça peut déboucher sur d'autres choses, hein. Et aussi bien pour le mobilier ou pour nous faire connaître aussi. Et c'est vrai que c'est une belle expérience, une très belle expérience. C'est vrai que quand Aurélien m'a contacté par mail, je fais une petite anecdote, mais au mois de juin, il m'a mis quelques mots en disant « ça serait bien que tu viennes exposer dans notre showroom du magasin ». Je rentrais d'un accrochage d'une expo à l'office de tourisme de Certigny. Je me dis... c'est une blague, je rêve. Et puis je me dis, Jean-Loup, rappelle tout de suite. Et je l'ai rappelé dans la foulée. Et puis on a bien discuté. Et puis il m'a dit, le mieux, je lui dis, c'est ce qu'on se rencontre. J'apporte mes photos, on regarde. Et puis voilà, ça a se matché tout de suite. Et puis c'était parti. Oui. Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça s'est passé assez rapidement et simplement. Mais c'est vrai que tu tombes un peu des nues quand tu croyais une blague. Pour moi, oui, parce que c'est vrai que les expos, oui, j'expose aussi dans des offices de tourisme. Je fais des concours photos, qu'il y a des expos photos en plein air ou dans certains lieux, j'envoie un dossier de candidature. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi derrière entre la com, les expos, les concours photos. Et puis d'un coup, qu'on contacte pour un magasin, je me dis waouh. Et puis quand je vois le rendu, c'est tellement... ça fond dans le magasin, ça fait qu'un. Et moi, je vois que j'aime bien quand les choses se fassent naturellement, simplement, et que ça fasse qu'un, et que ça soit harmonieux, discret. La beauté aussi qui ressort, bien entendu, hein, c'est important. Donc oui, c'est vrai, c'est une superbe expérience, c'est une belle expérience, et de belles rencontres, parce que je pense que la vie, ça va être une parenthèse, mais la vie, c'est faite de belles rencontres. On a des belles rencontres dans la vie. Et c'est ce qui nous fait voir d'autres choses à avancer. Alors, cette émission est maintenant terminée. J'avais beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, on n'a plus le temps. Alors, Aurélien et Jean-Louis, merci d'avoir été avec nous. C'est nous qui vous remercions, qui vous remercions. Je ne sais pas si on doit tutoyer. Vous voyez. Oh, il n'y a pas de souci. merci à vous. Merci pour cette belle... C'est vrai que c'est encore une aventure, une belle expérience de venir à la radio. Moi, je suis un passionné de musique et de cinéma. Donc, d'être un peu de l'autre côté, c'est génial, quoi. C'est une super expérience. Merci à vous. Et puis, ce que je peux dire à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent le temps de vivre les choses au moment présent et puis surtout qu'ils restent curieux. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreux visiteurs viendront voir votre exposition à Épinal, au meuble Gautier. Ça se trouve où d'ailleurs, les meubles Gautier? Zach des Terres Saint-Jean, avenue des Terres Saint-Jean. Donc c'est, pour résumer, c'est au rez-de-chaussée de chez CCV, en redescendant vers le bas de la zone. Voilà, vous verrez, magasin vert. On ne peut pas la rater théoriquement sur la gauche. Oui, puis en plus, il y aura un petit moment le 28 octobre, le vendredi, l'après-midi, où ça sera un petit peu un moment pour les artistes. On sera là l'après-midi pour accueillir les gens qui veulent découvrir notre travail, discuter un petit peu avec nous. On peut partager notre passion. Et le 18h, après, c'est la soirée d'inauguration au magasin. Voilà. Donc le 28 octobre, l'après-midi, c'est un peu un moment pour les artistes et puis pour... le magasin, voilà. Donc si vous passez par là, venez nous voir, venez découvrir notre travail. Et puis ce lien, cette association avec les meubles Gautier qu'il faut mettre en avant, parce que ce design et puis ce mobilier made in France, c'est important. D'accord, le message est passé. Auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.